De cailloux coule dans ton accent, ta violence bouillonne dans tes violettes. On se traite de con, peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans l'air, et pourtant. quatre boules de cuir. Box, box, box, box. Quatre boules de cuir qui se tournent dedans. Box, box, quatre boules de cuir. La compagnie Luba qui joue avec Mainviel aussi. Là-bas aussi, aussi, un Luba aussi, oh ouais. Un là-bas aussi, oh, y en a un là-bas aussi. I never want. Bob Dylan.